إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui le cours numéro 44 dans l'explication du Kitab al-Tawhid, le Sharh Mulakhas, le résumé. Et on est toujours dans, maintenant on a commencé au dernier cours, le chapitre 32, au sujet de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et yani, donc c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui, encore on va continuer l'explication de ce chapitre. Et comme j'avais mentionné hier dans le cours, on va lire quelques explications au sujet de cette question de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour vraiment être capable de bien distinguer entre les différentes catégories de crainte et pour savoir quand est-ce que si on craint autre que Allah, quand est-ce que c'est shirk et quand est-ce que c'est quelque chose qui ne pose pas la croyance, et quand est-ce que c'est quelque chose qui vient en opposition avec le tawhid. Donc le cheikh il expliquait dans I'anatul Mustafid, dans son autre charh de kitab al-tawhid qui est plus élaboré. On avait fait ce cours-là dans les cours de I'anatul Mustafid, c'était le cours 90. Le cheikh il a divisé la crainte en trois catégories. La première catégorie c'est khawf al-sirr. On en a parlé un petit peu hier à la fin. Khawf al-sirr, c'est-à-dire une crainte qui est secrète. Une crainte secrète ou bien une crainte cachée ou une crainte secrète, une crainte mystique. Hein? Et le cheikh explique que c'est la crainte qui est une forme d'adoration pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va l'expliquer. Le cheikh il dit النوع الأول خوف السر وهو الخوف الذي يكون معه عبادة لغير الله أو ترك لما أوجب الله، ومعناه أن يخاف الإنسان من غير الله من الأصنام والأوثان وما عبد من دون الله من القبور والأضرحة، أو يخاف الشياطين والجن ويتقرب إليهم بما يحبون من الشرك بالله من أجل أن يسلم من شرهم، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. Donc le cheikh il explique que cette crainte qui est la crainte cachée ou la crainte secrète, c'est une crainte dans laquelle il y a une adoration pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou l'abandon de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Comme par exemple un être humain qui craint autre que Allah subhanahu wa ta'ala parmi les idoles que les mouchriquins adorent. Donc lorsque quelqu'un a peur des idoles et craint les idoles, ou craint qu'est-ce qui est adoré en dehors d'Allah, ou bien lorsqu'il craint les tombes des hommes pieux et des saints, ou bien les tombeaux, ou bien qu'il craint les djinns et les shayatins et qu'il leur offre des offrandes ou des actes d'adoration, ou qu'il leur offre ce qu'ils aiment parmi les différentes sortes de shirk dans le but d'être épargnés de leur mal, alors tout ça, ça rentre dans la catégorie de shirk majeur. Tout ça rentre dans la catégorie de shirk akbar. Donc ça c'est pour expliquer la première catégorie. Et ça, c'est cette catégorie-là, donc, comme on l'a expliqué, c'est shirk akbar, et ça rentre en contradiction totale avec le tawhid. Et ça annule le tawhid de quelqu'un, ça annule sa foi, et ça le fait sortir de l'islam. Il y a d'autres ulama qui ont également mentionné des exemples de cette catégorie-là, comme par exemple les gens qui ont peur de leur shuyukh parmi les soufiyin, et qui craignent que leur cheikh connaît qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur, et que le cheikh est capable de leur enlever la foi s'il découvre en eux des doutes ou bien des critiques à son sujet. Donc ils craignent leur cheikh à des kilomètres parfois. Et ils pensent que ce cheikh-là a la capacité de découvrir ce qu'il y a dans le cœur. Donc ça, c'est, ça rentre aussi dans cette catégorie de shirk akbar aussi. Et le cheikh, il mentionnait des versets à ce sujet-là, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails. Le but, c'est pas ça, c'est de juste clarifier les différentes catégories. Parce que si on rentre dans tous les détails, eh bien, ça va prendre trop de temps. Puis le but du sharh, c'est que ce soit un sharh résumé. Donc, on ne va pas trop élaborer en détail. Le cheikh, il donne comme deuxième catégorie de khawf, pour autre que Allah, ou bien de différentes catégories de khawf qui est blâmable, la deuxième catégorie. Il dit النوع الثاني من أنواع الخوف المذموم أن يترك الإنسان ما أوجب الله عليه من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الناس أن يأذوه أو يضايقوه أو يعذبوه فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وبيان الحق خوفا من الناس فهذا شرك أصغر وهو محرم وقد جاء في الحديث أن الله يحاسب العبد يوم القيامة لما لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول يا رب خشيت الناس فيقول إياي أحق أن تخشى يعني بذلك القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقادر على الدعوة إلى الله أما الذي لا يقدر أو ليس عنده استطاعة فهذا معذور. Donc le cheikh il explique. Il dit la deuxième catégorie, qui est une catégorie de crainte qui est blâmable, c'est que c'est lorsqu'un individu ou une personne abandonne ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire, comme la da'wa, hein, parmi les différentes formes de da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala, d'inviter les hommes à Allah, ou bien d'ordonner le bien et d'interdire le mal, il l'abandonne par crainte des hommes. Il a peur que les gens lui fassent du tort, ou que les gens lui causent des offenses, ou bien que les gens lui rendent les choses difficiles, et que les gens le torturent ou des choses de ce genre. Hein? Alors dans ce cas-là, il cesse d'ordonner le bien, et il cesse d'interdire le mal, et il cesse d'inviter les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala, et il cesse de clarifier la vérité parce qu'il a peur des hommes. Et ça, le cheikh, il dit que c'est une forme de shirk mineur. C'est une forme de shirk mineur, shirk asghar. Et il dit que c'est quelque chose qui est haram, quelque chose qui est interdit. Et il mentionne un hadith qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala va juger le serviteur au jour de la résurrection et va lui demander pourquoi tu n'as pas ordonné le bien et pourquoi tu n'as pas interdit le mal. Et il répond au Seigneur, Ya Rab, j'ai eu peur des hommes, hein, j'ai craint les hommes. Alors on va lui dire, c'est moi qui mérite le plus d'être craint. Allah va lui dire, c'est moi qui méritais plus d'être craint. Et ça, bien entendu, c'est pour la personne qui a la capacité d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et qui a la capacité de faire la da'wah. Par contre, la personne qui n'a pas la capacité, il est incapable de faire la da'wah, alors celui-là, il est excusé. Hein? Donc, il rentre pas dans le blâme. Le point numéro 3, la troisième sorte, le cheikh, il dit, « النوع الثالث من الخوف الخوف الطبيعي الخوف الطبيعي » ليس معه عبادة الخوف الطبيعي الذي ليس معه عبادة للمخوف ولا ترك لواجب وكان يخاف الإنسان من العدو كأن يخاف الإنسان من العدو أو من السبأ من السبع أو من الحية يخاف الإنسان من أعدائه أو يخاف من السباع أو يخاف من الهوام فهذا خوف يعني خوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان لأنه ليس عبادة وليس ترك لأنه ليس عبادة وليس تركا لواجب ولا يؤاخذ عليه الإنسان. Donc le cheikh il dit la troisième catégorie de crainte, c'est la crainte qui est naturelle et il n'y a aucune adoration pour la personne qui est crainte dans cette catégorie-là. Et il n'y a pas non plus d'abandon de ce qui est obligatoire. Hein? Comme par exemple quelqu'un qui a peur de son ennemi. Il connaît sa force et donc il a peur de son ennemi. Ou bien il a peur d'une bête féroce. Ou bien d'un serpent. Ou bien quelque chose de ce genre. Donc ça c'est une crainte qui est naturelle. Et quelqu'un n'est pas blâmé pour ce genre de crainte. Parce qu'il n'y a aucune forme d'adoration qui est reliée à ça, et parce que ça ne correspond pas non plus à l'abandon d'une obligation dans la religion. Donc quelqu'un n'est pas blâmé pour cette catégorie de, crainte, hein, de crainte. Et donc ça c'est cette catégorie. Et le cheikh il mentionne l'exemple de Moussa alayhi salam, justement qui dans le Coran Allah mentionne que Moussa alayhi salam lorsqu'il s'enfuyait après avoir tué un homme, il a tué involontairement un homme, et donc par crainte de représailles, donc il s'enfuyait en regardant autour de lui et il avait peur. Donc c'est la preuve que cette catégorie de crainte là, c'est une crainte naturelle. Donc le cheikh c'est ce qu'il dit ici: لما تأمر عليه الملأ ليقتلوه أنذر أن يخرج من البلد فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. Donc les gens voulaient le tuer, alors il s'enfuyait de la ville et il regardait autour de lui et il avait peur. Donc c'est la preuve qu'il n'y a pas de mal d'avoir une crainte, ce genre de crainte qui est une crainte naturelle. Donc c'est tout ce qu'on va lire à ce sujet là pour par rapport à les catégories de crainte dans Ya'anatul Mustafid. Il y a juste un autre point aussi que j'ai lu dans le charh du Cheikh Ibn Uthaymeen au sujet de cette catégorie de crainte, des différentes catégories de crainte. Le Cheikh il a mentionné aussi les gens qui ont des craintes illusoires, c'est-à-dire qui ont des craintes de choses qui sont illusoires. Ça c'est également incorrect, c'est-à-dire quelqu'un qui a peur du noir, ou bien quelqu'un qui a peur par exemple l'ombre d'un arbre la nuit, ou des choses comme ça. Cheikh Ibn Uthaymeen il disait justement dans son charh que ça aussi ça fait partie des craintes que le croyant il doit pas avoir. Le croyant il doit pas avoir ce genre de crainte là. Mais juste un instant, je vais vérifier pour vous dire exactement qu'est-ce qu'il a mentionné à ce sujet là. Il dit: وهناك ما يسمى بالوهم ليس بخوف، مثل أن يرى ظل شجرة تهتز فيظن أن هذا عدو يتهدده. هذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك، بل يطارد هذه الأوهام لأنه لا حقيقة لها، وإذا لم تطاردها فإنها تهلكك. Donc le cheikh explique que c'est ça, c'est des sortes de craintes illusoires, comme par exemple quelqu'un qui regarde la nuit, il voit l'ombre d'un arbre, il s'imagine que c'est son ennemi ou des choses comme ça, ou des craintes de ce genre. Eh bien ça rentre dans qu'est-ce que le croyant ne doit pas avoir comme crainte. Ça c'est le croyant ne doit pas avoir ça, il doit repousser ce genre de craintes illusoires et les éloigner de lui. Il ne doit pas avoir peur de ça. Il y a des petits points aussi qu'on peut mentionner là-dessus, c'est que il est interdit pour un musulman d'effrayer son frère. Il est interdit pour un musulman d'effrayer son frère, même pour faire une blague. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à un musulman, il y a des hadiths à ce sujet-là. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يروع أخاه. Il a interdit que le musulman fasse peur à son frère. Et il y a un hadith qui rapportait à ce sujet-là, c'est lorsque des sahabas étaient entre eux et il y avait un des sahabas qui était en train de dormir. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y en a deux d'entre les sahabas qui ont pris quelque chose que le sahabi avait gardé à côté de lui pendant son sommeil. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cette chose, puis ils l'ont cachée. Alors, quand la personne s'est réveillée, elle a été effrayée parce qu'elle n'a pas retrouvé la chose que le sahabi avait gardée près de lui. Donc, il a cru peut-être qu'on lui avait volé ou bien qu'il était perdu. Alors, le prophète Sarsam a demandé qu'est-ce qu'il y avait, et ils ont dit qu'il avait eu peur parce qu'on lui avait caché quelque chose qui lui appartenait. Et le prophète Sarsam a dit à ce moment-là, il n'est pas permis aux musulmans d'effrayer son frère. Il n'est pas permis à un musulman d'effrayer son frère. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Il y a des gens comme, parfois, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent faire des blagues, hein, ils veulent, y surprendre quelqu'un pour lui faire peur, juste pour rire. Ça, c'est pas permis dans l'islam. Également, de raconter à des enfants des histoires pour leur faire peur, hein, des choses comme ça. Tu leur dis, si tu dors pas, le croque-mitaine, il va venir te manger, ou si tu fais pas ci, telle chose va arriver, des choses comme ça. Ça, c'est pas permis non plus. Déjà, c'est un mensonge, puis en même temps, ça fait entrer dans le cœur des enfants de la crainte, et c'est pas quelque chose qui est permis. Donc, pour revenir maintenant au cours et au sujet dont on était en train de parler, on va expliquer maintenant comme qu'est-ce que le cheikh a dit ici. Wa qawluhu, le cheikh, il mentionne donc le verset, le deuxième verset dans le chapitre. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. Ça, c'est le verset 11, le verset 10 dans sourate Al-Ankabut. Le verset au complet qui dit: ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. Donc le verset, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie: et parmi les hommes, il y en a qui disent nous croyons en Allah, et lorsqu'ils sont éprouvés ou lorsqu'ils sont touchés par une offense ou par quelque chose de mal à cause de leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ou parce qu'ils ont fait la da'wah, ou parce qu'ils ont travaillé pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc quand ils ont été touchés par un mal à cause de ça, eh bien ils mettent le châtiment d'Allah, ils mettent la fitna des hommes et l'épreuve des hommes à la même égalité que le châtiment d'Allah. Et ils abandonnent la da'wah, ils abandonnent le travail qu'ils font pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le verset ensuite qui dit, la suite: et si la victoire vient de ton Seigneur, ils disent à ce moment-là, nous étions avec vous. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit: n'est-ce pas qu'Allah connaît mieux ce qu'il y a dans les cœurs des hommes ou dans les poitrines des hommes, ou bien dans la poitrine des créatures et de l'univers? Donc, ça, c'est le verset. Le cheikh explique maintenant les mots qui sont dans ce verset-là. Il dit: wa min al-nas, ay ba'd al-nas, parmi les hommes. Man yaqulu amanna billah, ay yad'i al-iman bilisanihi. C'est-à-dire, il y en a qui disent nous croyons en Allah, c'est-à-dire ils prétendent avec la langue qu'ils ont la foi. Ils disent avec la langue qu'ils ont la foi. Fa iza uziya fillah, ay li ajli Allah jalla wa ala, c'est-à-dire lorsqu'ils sont éprouvés et qu'on leur fait du tort parce que ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et parce qu'ils ont travaillé pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ala fitnat an-nas ka'adhabillah. Fitnat an-nas, adahum wa naylahum iyyahu bil makruh ka'adhabillah. C'est-à-dire, ay ja'ala adha an-nas alladhi yanaluhu bi sabab tamassukihi bi dinihi ka'adhabillah alladhi yanaluhu ala irtidadihi an dinihi. Fa farra min alami adha an-nas ila alami adhabillahi fartadda an dinihi. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il est éprouvé par les hommes à cause de la religion d'Allah? Eh bien, il met le châtiment, les épreuves qui le touchent comme par exemple le tort que les gens lui font à cause de sa foi en Allah et à cause du fait qu'il s'accroche à l'islam, le mal qui lui arrive à cause du fait qu'il pratique l'islam, il met ça à égalité avec le châtiment d'Allah. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui lui arrive à cause du fait qu'il s'accroche à la religion comme difficulté, comme épreuve et comme épreuve de la part des kuffars, il le met à égalité avec le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il le met à égalité avec le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le châtiment qu'il va avoir d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause du fait qu'il abandonne la religion d'Allah pour s'enfuir du tort qui lui arrive, hein, et du tort que les hommes lui font à cause du fait qu'il s'accroche à la religion d'Allah. Donc il quitte la religion d'Allah et il quitte l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être épargné du châtiment des hommes, hein, et ça fait en sorte que par la suite il va mériter le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, pour lui, dans son esprit, hein, le châtiment des hommes est plus grand. C'est comme si il s'imaginait que le châtiment des hommes était moins grave que le châtiment d'Allah, ou bien égal au châtiment d'Allah. Et donc, il préfère le châtiment d'Allah au châtiment des hommes. Hein? Il s'imagine que s'il abandonne la religion d'Allah et que les hommes cessent de lui faire des problèmes à cause de ça, donc il est épargné du châtiment. Et qu'il n'y a plus aucun mal qui va l'atteindre. Sauf qu'il oublie qu'il y a un châtiment plus grand qui va le toucher dans l'au-delà, hein, à cause du fait qu'il a abandonné la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est la signification. Après, le cheikh il dit « Wala inja anasrum min rabbika » Le cheikh il dit « Fathun wa ghanima » Wala inja anasrum min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum » Kunna ma'akum fi d-din » Fa ashrikuna fi l-ghanima » Donc, lorsqu'il y a quelque chose de bien, par exemple une victoire qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien un butin par la suite qui arrive parce que les croyants ont eu une victoire sur les mouchriquins, là à ce moment-là ils viennent puis ils disent on est avec vous, hein? On est avec vous, c'est-à-dire associez-nous ou faites-nous rentrer dans le butin, nous aussi on en veut du butin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont avec les croyants quand tout va bien, quand il y a des victoires, là ils sont contents. Puis quand il y a quelque chose de mal, hein, qui touche les croyants, et bien là, à ce moment-là, c'est comme si ils se désavouent, hein, des musulmans, et ils quittent l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ça. Donc, ils sont dans l'islam quand ça fait leur affaire, puis quand ça va mal pour eux, et bien ils abandonnent l'islam, ils abandonnent la pratique. Et ils agissent de cette façon. Donc ça c'est des gens qui sont pas sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala. Après il dit أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْإِيمَانِ وَالنِّفَاقِ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْإِيمَانِ وَالنِّفَاقِ. C'est-à-dire, n'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux ce qu'il y a dans le cœur ou dans la poitrine des hommes? Et il dit bima fi qulubihim, c'est-à-dire il est plus au courant de ce qu'il y a dans le cœur des hommes comme foi ou bien comme hypocrisie. Le cheikh il explique le sens général maintenant de ce verset. Al ma'na al ijmali lil aya yukhbiru ta'ala 'an al dakhil fi al iman bila basiratin annahu idha asabathu mihnatun aw adhan من الكفار جعل هذا الأذى الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي ناله من أجله كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون ففر من ألم عذاب أعداء الله في تركه دينه إلى عذاب الله فاستجار من الرمضاء بالنار. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله عليم بما انطوى عليه صدوره من النفاق. Donc le cheikh explique le sens de ce verset général, le sens général du verset. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe au sujet de la personne qui rentre dans la foi mais sans compréhension. C'est-à-dire il rentre dans la foi mais il n'a pas de compréhension de ce que ça signifie et de ce que ça implique. Lorsqu'il est touché par une épreuve ou bien par un mal de la part des koufars, il fait ce mal qui lui arrive de la part des mushrikine et des koufars à cause du fait qu'il s'accroche à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait de ça, et le cheikh il dit ça, c'est certain que ça doit arriver, puisque du moment que du moment qu'on regarde l'exemple des messagers et ceux qui suivent les messagers, on voit qu'ils ont toujours été éprouvés et affectés ou touchés par ceux qui s'opposent à eux. Donc, du moment que quelqu'un est musulman et qu'il suit l'exemple des messagers et qu'il suit l'exemple des prophètes, eh bien, il va y avoir beaucoup d'épreuves et beaucoup de difficultés. Et les koufars et les mouchriquins vont toujours essayer de lui faire du tort et du mal. Donc, cette personne qui rentre dans la foi sans compréhension et qui est affecté, donc qui reçoit ce mauvais traitement de la part des koufars et qui se fait insulté ou attaqué ou maltraité à cause de son attachement à l'islam, il fait de ça une cause pour s'enfuir donc de ce châtiment-là qui lui touche, qui lui tombe dessus de la part des koufars et des mouchriquins, et il le met à égalité avec le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme s'il essaie de s'enfuir du châtiment des hommes vers le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme celui qui s'enfuit de la chaleur ardente de l'été vers le feu pour se réfugier. Et donc c'est encore plus grave. Donc qu'est-ce que tu choisis? Si tu as deux choix, le châtiment que les koufars te font subir dans cette dunya à cause de ton attachement à la foi, ou bien de rejoindre les koufars et les mouchriquins pour qu'ils cessent de te torturer ou bien pour qu'ils cessent de t'offenser et de te faire du mal, puis qu'ils t'acceptent à cause du fait que tu montres que tu es d'accord avec eux. Sauf que dans l'au-delà, tu vas avoir le châtiment, tu vas avoir le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est beaucoup plus grand. Donc c'est évident que le châtiment que tu reçois ou la punition ou le mauvais traitement que tu reçois des mouchriquins dans cette dunya, eh bien, il n'est rien par rapport au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la personne qui est intelligente, la personne qui comprend la réalité de la foi, elle ne va pas préférer le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala au châtiment des hommes, ou bien à l'agrément plutôt des hommes. Il ne va pas chercher à se faire accepter ou à se faire aimer des hommes, puis à se faire bien traiter des koufars et des mouchriquins. Même si ça va faire en sorte que par la suite, dans l'au-delà, il va être maudit, et qu'il va être parmi les gens du feu. Mais, étant donné que ces gens-là n'ont pas compris cette question-là et cet aspect-là, ils préfèrent donc avoir la belle vie, et se faire accepter des koufars et des mouchriquins pour avoir la paix dans cette dunya. Puis, même si ça va avoir comme conséquence qu'ils vont avoir dans l'au-delà le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut toujours se dire, en fait, et c'est ça la leçon derrière ce verset, dans ce verset-là, c'est que il faut toujours se dire que peu importe qu'est-ce qui peut nous atteindre comme châtiment ou comme difficulté de la part des koufars et des mouchriquins, eh bien, tout ça, yani, qu'est-ce qui nous arrive, c'est rien, yani, par rapport à qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les koufars et les mouchriquins dans l'au-delà comme punition pour eux. Et donc, si quelqu'un est dans la da'wah ou si quelqu'un applique la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, pratique son islam et qu'il reçoit des mauvais traitements de la part des koufars et des mouchriquins, et que des gens essaient de lui dire ah mais arrête, laisse tomber ça, arrête de faire la da'wah, arrête de pratiquer ta religion, arrête de faire ci, arrête de faire ça, comme ça tu vas avoir la paix, eh bien il doit toujours se rappeler qu'il ne doit pas écouter il ne doit pas entendre ou écouter ce genre de discours de la part des gens qui ont la foi faible ou de la part des gens qui ont de l'hypocrisie dans leur cœur, hein, et qui suivent la religion uniquement par intérêt dans la dunya, il doit se rappeler donc que celui qui suit cette voie-là, même s'il s'imagine que, ou s'il pense que il est épargné d'un châtiment dans cette dunya de la part des kuffars, eh bien, le châtiment qui l'attend dans l'au-delà, il sera bien plus grand. Donc ça, c'est important. Et donc, et si les croyants, eux, ils ont une victoire dans cette vie d'ici-bas, et que Allah aide les mu'minines et leur donne la force et la victoire, eh bien là, les munafiqines, parmi ces gens-là, ils viennent les voir et lui disent, ils leur disent, nous, on est avec vous, on est des mu'minines, nous aussi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce que ces gens-là cachent comme hypocrisie dans leur cœur. Ensuite, le shaykh, il dit, وَمُنَاسَبَةُ الْآيَةِ لِلْبَابِ أنها أفادت أن الخوف من الناس أنها أفادت أن الخوف من الناس أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله من جملة الخوف من غير الله المستلزم لضعف الإيمان. Donc l'occasion pourquoi on mentionne ce verset dans ce chapitre, c'est pour faire comprendre que la personne qui craint les hommes à cause de ce qu'ils lui font comme traitement, qu'il le traite mal, hein, à cause de sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de craindre autre que Allah, qui implique une faiblesse dans la foi. Si tu crains les hommes, hein, et tu crains qu'ils te fassent du tort à cause de ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça fait partie de la crainte d'autre que Allah, qui implique une faiblesse dans la foi. Et il y en a des fois qui, parmi les musulmans, ils essaient de se cacher derrière toutes sortes de prétextes pour justement justifier ce genre de faiblesse dans la foi. Comme par exemple, il y en a parmi les croyants qui vont essayer, ou il y en a parmi les musulmans qui vont essayer, il y en a des musulmans qui ont une foi faible, ils vont essayer de justifier leur lâcheté, hein, ou bien leur abandon de la da'wah, ou bien ce genre de comportement du fait qu'ils ne veulent pas travailler pour la cause d'Allah, faire avancer la religion d'Allah, ils vont utiliser comme prétexte la sagesse. Ils vont dire, ah non mon frère, il faut être sage, hein, c'est pas bien de clarifier la vérité dans des moments comme ça, parce que sinon on va avoir des ennuis, ainsi de suite. Ou bien il y en a qui vont dire, par exemple, pour l'intérêt de la da'wah, c'est mieux de ne pas faire la da'wah, hein, des exemples de choses de ce genre. Ça, c'est déjà une contradiction en soi. Comment l'intérêt de la da'wah serait de ne pas faire la da'wah, hein? Déjà, ça, c'est insensé, yani. Donc la da'wah, il faut toujours qu'elle soit là, et la clarification de la vérité, il faut toujours qu'elle soit faite, et l'explication de la vérité, il faut toujours qu'elle soit là. Hein? Et si une personne n'est pas capable de le faire, il ne doit pas empêcher les autres qui le font, qui sont capables de le faire. Malheureusement, parfois, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque certains ne sont pas capables de le faire, eh bien, ils blâment les autres qui le font et ils essaient de les empêcher. Hein? Ou ils essaient de les critiquer parce qu'ils font ce qu'eux ne sont pas capables de faire. Donc ça, c'est pas correct. À la limite, tu dis, bon, moi, je ne suis pas capable de le faire, soit parce que j'ai l'incapacité de le faire, ou bien soit parce que j'ai pas le courage de le faire, mais à la limite, bon, le minimum, c'est de dire, au moins je vais pas obstruer le chemin d'Allah et empêcher à ceux qui sont en train de le faire de faire leur devoir, de faire leur travail. Donc ça, c'est un point très important, et il faut bien comprendre cet aspect là et alhamdoulilah, yani, les ulama de l'islam, ils clarifient la vérité. Et on voit que c'est l'attitude de nos ulama. Et ils sont les plus courageux dans ce domaine-là. Et ce sont ceux qui endurent les plus grandes épreuves dans la transmission de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui font preuve de plus d'endurance, et de plus de patience, et de plus de sagesse. Et malgré ça, donc, hein, ça c'est parmi les musulmans aujourd'hui. Mais sinon, notre exemple, le meilleur exemple, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis. Ça c'est le meilleur exemple, le plus haut des exemples, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes hein, qui nous ont montré l'exemple, comment ils ont fait la da'wah. Et c'est eux notre modèle. Et c'est eux qu'on doit suivre. Hein? Parce qu'il y en a aujourd'hui maintenant qui ont adopté une autre méthodologie dans leur da'wah et qui suivent les intérêts de la dunya pour faire la da'wah. Hein? Et surtout dans les pays de kufr. Donc ils ont des intérêts soit économiques ou des intérêts politiques chez les kuffars. Et donc quand ils voient les choses uniquement d'une façon matérialiste ou uniquement dans des buts économiques ou politiques, eh bien, ils commencent à parler de l'islam à la manière des politiciens, à la manière des politiciens kuffars. Et ils font de la démagogie pour essayer de faire plaisir aux hommes dans la religion. Ils leur disent selon leurs désirs et leurs passions et non selon la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc quand tu vois par exemple des gens, et ça j'en ai rencontré, des responsables de certaines mosquées, eh bien quand j'ai parlé avec eux, ils m'ont blâmé, ben, par exemple moi ou bien d'autres ulama ou d'autres shuyukh, ils les blâment parce que c'est shuyukh et des ulama ou bien certaines du'ats, ou il y a certains frères comme moi par exemple qui ont mentionné certaines choses de ce que les ulama ont clarifié de la religion d'Allah dans les pays non musulmans, et ça ne faisait pas leur affaire. Parce qu'eux, ils ont dit, non, on est dans un pays laïque ici, il ne faut pas dire aux koufars ce que les koufars ne veulent pas entendre. Il faut leur dire dans leur pays ce qui est en accord avec eux, ce qu'eux, ils aiment. Et année, je leur ai expliqué, non, que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Mecca, il était parmi les mouchriquins, hein, il était parmi des non-musulmans. Et est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aux non-musulmans parmi les mouchriquins de Quraysh ce que les mouchriquins voulaient entendre de la religion d'Allah? Non, il leur a dit tout ce qu'ils devaient dire de ce que Allah lui a révélé, que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas. Et malgré qu'ils ont tout fait pour essayer de le faire arrêter, de le faire taire, il n'a jamais arrêté, il ne s'est jamais tu, et il a continué sa da'wah. Et donc ça c'est notre modèle et c'est notre exemple qu'on doit suivre. Et donc l'explication du tawhid et des fondements de la foi et des règles de la religion, ça c'est quelque chose qui est obligatoire de clarifier. Et un croyant ne doit pas s'empêcher de clarifier la religion d'Allah parce qu'il a peur des hommes, ou bien parce qu'il a peur des médias, ou bien parce qu'il a peur de X ou de Y parmi les individus, ou parmi les groupes, ou parmi les tendances. Hein, il doit expliquer et clarifier le haqq. Hein? Donc il y en a comme ça malheureusement qui sont affectés par ça. Ils disent non, il ne faut pas dire ci, il ne faut pas dire ça. Hein? Donc il faut, hein, bien entendu, clarifier la vérité et faire connaître aux gens le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, et prendre en considération aussi, bien entendu, des fois si il y a des situations où dans lesquelles il faut prendre en considération, par exemple, les effets ou les conséquences de certaines choses. Bon, ça revient au ulama de juger quand c'est un méfait plus grand ou un bienfait plus grand. Ça revient à qui de juger dans ces choses-là? Ça revient au ulama de l'islam. Mais il y en a qui essaient de faire des jugements par eux-mêmes et qui critiquent les gens selon leurs propres opinions personnelles sans retourner aux savants et sans retourner aux hommes de science. Et qui critiquent les gens et qui disent ça c'est sage, ça c'est la sagesse, ça c'est pas la sagesse, ça c'est un bienfait, ça c'est un méfait, ou ça c'est un bienfait plus grand, ou ça c'est un méfait plus grand, sans même retourner aux ulama de la charia dans des questions comme ça, et qui jugent selon les éléments de la dunya. Donc ça c'est incorrect. Hein? Et ça c'est des questions, on retourne aux ulama pour leur poser la question, est-ce que ça c'est un bienfait, et ça c'est, ou est-ce que ça c'est mal, ou est-ce que ça c'est bien? Alhamdulillah. Et donc ça c'était juste un petit point à ce sujet-là parce que c'est important dans notre situation de bien comprendre ces questions-là. Après le cheikh il dit munasabatul ayati lil bab, donc la raison pour laquelle donc on a expliqué ça déjà. Maintenant les points à tirer de ce verset, ma yustafadu min al-aya أولا أن الخوف من أذى الناس بسبب الإيمان خوف من غير الله. Donc le point numéro 1, c'est que la crainte, le fait de craindre yani le tort des gens ou le mal que les gens peuvent nous faire à cause de notre foi, ça, ça fait partie de crainte autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, wujub al-sabr ala al-adha fi sabilillah. Donc le deuxième point qu'on peut tirer de ce verset, c'est qu'il est obligatoire d'endurer, de faire preuve d'endurance lorsque yani on est éprouvé par un mal quelconque à cause du fait qu'on est sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut être endurant dans ces situations-là. Il faut faire preuve de patience. ثالثا دناءة همة المنافقين. Le cheikh il mentionne comme point numéro 3 la bassesse des intérêts ou des aspirations des munafiqin. Comment les munafiqin ont des aspirations qui sont basses et mondaines, uniquement matérialistes, uniquement qui retournent uniquement à la dunya. C'est comme par exemple l'autre jour j'ai rencontré, comme je disais tout à l'heure, je parlais des responsables de certaines mosquées. Et bien justement j'en avais rencontré un et je ne dirais pas quel nom, mais bon, c'est pas des salafis, mais c'est juste pour dire quand même, ça montre en même temps le manhaj de ces gens-là parmi les hizbiyin ou bien parmi les gens de Hawa. Allah musta'an. Il critiquait un individu parce qu'il avait mentionné quelques critiques sur au sujet de l'homosexualité. Puis il disait par exemple, ah mais ça c'est des choses il faut pas mentionner parce que ça c'est les valeurs ici au Québec, c'est les valeurs, c'est l'homosexualité, donc il faut pas critiquer les valeurs de ces gens là et puis j'ai mentionné que premièrement c'est faux parce que la majorité des Québécois ils sont pas en accord avec cette question d'homosexualité. La majorité même sont contre, mais ils vont pas le dire. Parfois ils vont pas le dire. Pourquoi? Parce qu'ils craignent l'opinion publique, ou bien parce qu'ils craignent. Et justement, il y a une certaine, les gens aiment pas, disons, contredire ou opposer l'opinion populaire, parce que c'est devenu quelque chose de la mode maintenant de dire qu'on accepte ce genre de perversité, par exemple. Donc c'est ça qui arrive. Et ça, je l'ai vu, puisque moi j'ai grandi ici. Et depuis, même au secondaire ou à l'école, eh bien ça c'est des choses qui sont propagées parmi les jeunes, depuis l'enfance. Ils essaient de faire accepter aux gens, de dire oui ça c'est normal, ça c'est correct et tout. Et celui qui a une opposition qui est contraire à ça, eh bien on essaie de le faire se sentir mal, comme s'il était pas normal d'être contre l'homosexualité. Donc j'ai expliqué que même dans le livre des chrétiens, dans le livre des juifs, dans l'Ancien Testament, il y a des mentions de peines qui sont attribuées ou mentionnées dans leur livre par Dieu pour avoir commis ce crime-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il avait révélé même dans les livres des juifs et des chrétiens des punitions pour les gens qui commettaient ce genre de sodomie, et que c'était la peine de mort qui leur était réservée. Et la majorité des gens, ils ne sont pas d'accord avec l'homosexualité, même s'ils ne vont pas le dire ouvertement par crainte de l'opinion des gens ou par crainte des propagandes qui sont dans les médias et ainsi de suite. Donc ça c'est de un. Après il m'a dit, la personne qui est un des responsables de cette mosquée, il m'a dit, ça c'est des choses il ne faut pas dire ici. Il dit, moi si je suis dans mon pays, il vient d'un pays de l'Afrique du Nord, il dit, moi si je suis dans mon pays, je le dis à haute voix, je le dis sans peur de personne que je suis contre. Et même, il dit, je leur coupe la tête. J'ai dit, subhanallah. Mais il dit, ici il ne faut pas dire ça, il ne faut pas leur dire. Donc j'ai dit, mais ça c'est de l'hypocrisie. Si tu dis ça de cette façon-là et si tu agis de cette façon, ça veut dire quand tu es dans ton pays, tu le dis, puis quand tu es chez eux, tu le dis pas, tu dis le contraire. Alors ça, c'est de l'hypocrisie. Alhamdulillah. Et de toute façon, c'est juste pour faire comprendre que j'ai dit, vous, le problème ici, qu'est-ce que vous n'avez pas compris par rapport à la da'wah et par rapport à l'islam, c'est que vous êtes venu ici vivre dans ce pays qui est un pays de kufr. Vous avez quitté les pays musulmans pour venir dans ce pays de kufr. Et quand vous parlez avec les kuffars, vous leur parlez dans le sens de l'intégration, puis dans le sens du vivre ensemble, et dans le sens du dialogue et du rapprochement. Parce que votre intention et votre intérêt, ce n'est pas la da'wah. Et ce n'est pas d'appeler les gens au tawhid et d'appeler les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas ça votre but. Ce n'est pas ça votre intérêt. Votre intérêt, c'est juste de pouvoir vivre ici pour des intérêts matériels. Juste pour venir ici pour dire, bon, on vient, on s'établit ici, on profite du système, on se remplit les poches, on gagne de l'argent. C'est la dunya à fond. Et puis après, même si on va pas prêcher la religion d'Allah, on va pas ordonner le bien, on va pas interdire le mal, c'est pas grave. On veut juste que les gens nous aiment et qu'ils nous acceptent. Donc on leur parle pas de qu'est-ce qu'ils aiment pas entendre. Est-ce que c'est ça la religion d'Allah? Ça c'est pas la religion d'Allah. C'est pas l'exemple des messagers. Donc ça c'est juste un exemple pour dire comment ces gens-là réfléchissent et comment ils pensent. Ils ne pensent pas par rapport à la da'wah. Ils pensent uniquement par rapport aux intérêts de la dunya. Et ça s'arrête là. Donc, ça c'est le point numéro 3 qui montre l'intérêt des munafiqin, que c'est juste pour la dunya. Quand ils ont un intérêt par rapport à l'islam, parce que ça leur ramène un bienfait dans la dunya, ils disent, on est musulmans, on aime l'islam, on est avec vous. Et quand ils ont une difficulté parce qu'ils pratiquent l'islam ou parce que quand ils subissent des mauvais traitements de la part des koufars et des mouchriquines à cause de leur foi et de leur religion, là tu les vois, ils commencent à vouloir s'écarter de la religion d'Allah et même qu'ils ont honte parfois d'être musulmans et ils essaient de le cacher. Le point numéro 4, le point numéro 4, d'affirmer la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout ce qu'on montre, ce qu'on divulgue et ce qu'on cache dans notre cœur et ce qu'on n'ose pas divulguer. Ensuite le cheikh il mentionne le verset. Ensuite, c'est le verset 18 dans sourate Tawbah. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: "Wa qawluhu innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah." Al-aya. Wa tamam al-aya: "Fa'asa ula'i an yakunu min al-muhtadin." Donc ce verset, comme on a dit, c'est le verset 18 dans Surat Tawbah. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent personne excepté Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Fa'asa ula'i an yakunu min al-muhtadin. Donc, ça c'est un autre exemple de verset qui mentionne que le croyant, il ne doit craindre personne excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, donc le cheikh explique les mots dans ce verset. Il dit: innama ya'muru masajid Allah. Ay, innama tastaqimu imaratuha bil'ibadati wa ta'a. Donc, le fait de peupler les mosquées et d'y aller et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans ces mosquées-là, c'est uniquement établi par l'adoration et par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah ila akhirih. Ay, al-jami'ina lil-kamalat al-ilmiyya wal-amaliyya. Donc, c'est-à-dire que ce sont ceux qui peuplent les mosquées, ceux qui doivent peupler les mosquées, c'est uniquement ceux qui croient en Allah, c'est-à-dire ceux qui ont réuni les caractéristiques et les qualités de perfection, comme par exemple les qualités par rapport à la science et à la connaissance et à l'application de la religion. Donc c'est-à-dire qu'ils connaissent comme il faut leur religion et ils l'appliquent correctement également. Et ils essaient d'atteindre le plus haut degré de perfection dans ces deux catégories-là, dans ces deux aspects-là, dans la connaissance et dans l'application. Et ensuite, il dit « وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ » Parmi les caractéristiques, c'est qu'ils croient en Allah et au jour dernier, et qu'ils établissent la salat, et qu'ils donnent la zakat, et qu'ils ne craignent personne excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh, il explique, il dit « الْخَشْيَةُ هِيَا الْمَخَافَ وَالْهِيبَ » والمراد بالخشية هنا أي خشية التعظيم والعبادة والطاعة أما الخشية الجبلية كخشية المحاذير الدنيوية فلا يكاد أحد يسلم منها وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. Donc, le cheikh explique que Al-Khashia, là il mentionne le terme Khashia, Al-Khashia ça veut dire aussi la crainte. Hein? Et les ulama, parfois ils mentionnent que Al-Khashia, c'est une crainte accompagnée de science, accompagnée de connaissance. Comme c'est mentionné dans le verset, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Donc, c'est uniquement les savants qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses serviteurs. Donc ça c'est un exemple d'explication à ce sujet-là. Et il dit donc que Al-Khashia c'est quoi? C'est la crainte. Et c'est yani le respect. La crainte et le respect. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est la crainte, le respect et le respect ou la crainte. Une crainte qui inspire le respect, qui est inspirée. Un respect qui inspire la crainte. Oui, c'est ça. Dans l'adoration et dans l'obéissance. C'est-à-dire, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala et tu le respectes et tu le crains. Hein, dans ton adoration et dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton adoration et ton obéissance est accompagnée de cette crainte respectueuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce qui concerne la crainte naturelle, une crainte qui est une crainte instinctive qui fait partie de l'homme, comme par exemple lorsqu'on a peur des choses dans la dunya, des choses naturelles, comme quand on a peur d'une abeille qu'elle nous pique, ou bien qu'on a peur d'un chien qui est un chien féroce ou un chien de garde, ou bien quand on a peur de quelque chose dans la dunya, eh bien ça c'est quelque chose, peu de gens en sont épargnés parce que c'est quelque chose de naturel. Donc ça c'est à ce sujet-là, mais le cheikh il dit, mais il faut que dans toutes ces choses-là, le croyant il doit craindre également ces choses-là, il doit craindre qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété et qu'est-ce qu'il a prédestiné. Ensuite, le cheikh il dit, fa'asa ulai al-muttasifina bihadhihi as-sifat an yakunu min al-muhtadin, ay ulaika hum al-muhtadun. Donc quand ici on a traduit dans la traduction « il se peut que ceux-là soient les bien guidés », ça en réalité c'est une erreur de traduction par rapport à ce verset-là, parce que le cheikh il explique ici que « asa ulaika » ceux qui ont les caractéristiques qu'on a mentionnées, c'est-à-dire qu'ils occupent les mosquées d'Allah et qu'ils croient en Allah et au jour dernier, qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat et qu'ils ne craignent que Allah. À la suite, le verset dit فَعَسَا أُولَئِ أَنْ يَكُونُ مِنَ الْمُهْتَدِينَ. La traduction en français, qui est la traduction de Médine, elle dit il se peut que ceux-là soient les bien guidés. Le cheikh, il dit cela, en fait, ça signifie plutôt que ceux-là, ce sont eux qui sont les bien guidés. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala utilise le terme « asa » dans le Coran, pour Allah, c'est une obligation. Dans ce cas-là, ça veut dire que c'est obligatoire. Hein? Ça veut dire qu'il se l'oblige à lui-même. Hein? C'est une obligation qu'il s'est établie à lui-même. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va se produire. D'accord? Parce que « asa » en arabe, ça veut dire comme c'est traduit dans la traduction, c'est-à-dire il se peut que, hein, c'est une possibilité, hein, ou donc dans la langue arabe, c'est dans le sens de quelqu'un qui souhaite quelque chose ou qui espère quelque chose. Toutefois, quand c'est employé par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, ça a le sens de l'obligation. Ça a le sens de l'obligation. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ici, ça voudrait dire que ceux-là, ce sont eux les bien guidés. Donc ça, c'est un petit point comme ça qui est important. Si vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à son sujet « asa » dans le Coran, ça veut dire que c'est dans le sens de quelque chose qui, que c'est obligatoire que ça se produise. Ensuite, il dit « wal ma'na al-ijmali lil-aya lamma nafa ta'ala imarat al-masajid al-ma'nawiyya bil-ibadati an bil-ibadati an al-mushrikina fi al-aya allati qablaha » أثبت في هذه الآية عمارتها بالعبادة للمؤمنين الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وداموا على إقام الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها وأعطوا الزكاة مستحقيها وأخلصوا لله الخشية وهي المخافة والهيبة. Donc le sheikh il explique ici un point dans la clarification du sens général de ce verset, et il dit que dans le verset précédent, le verset avant le verset 18, c'est-à-dire le verset 17, Allah subhanahu wa ta'ala il a nié le droit que les mouchriquins avaient, il a nié leur droit à peupler les mosquées, et il dit dans le verset 17: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. C'est-à-dire, il n'appartient pas aux associateurs, c'est-à-dire aux mushrikins, de peupler les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Donc, il n'appartient pas aux mushrikins, ceux qui commettent le shirk, qui associent avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui adorent d'autres que Allah, ou d'autres avec Allah, qui les invoquent, qui invoque des prophètes, ou qui invoque des anges, ou qui invoque des hommes pieux, ou des tombes, ou des saints, ou des images, ou des croix. Hein? Et peu importe qu'est-ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, peu importe qu'est-ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, tous ces, hein, ou qu'ils invoquent des idoles, des statues, donc, tous ceux-là, ils n'ont pas à peupler les maisons d'Allah, les mosquées d'Allah. Vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance, et voilà ceux dont les œuvres sont vaines, et dans le feu, ils demeureront éternellement. Dans le feu, ils demeureront éternellement. Et ensuite, donc, le cheikh, il dit, donc, il a interdit à ces gens-là de peupler les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala. نفى تعالى عمارة المساجد المعنوية بالعبادة عن المشركين. Donc, il a interdit aux mouchriquins de peupler les mosquées d'Allah avec leur adoration qui est en fait du shirk. Et juste après, dans le verset 18, il affirme que c'est les croyants, ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, qui doivent peupler les mosquées en les remplissant d'adoration. Hein? Ceux qui ont la foi dans leur cœur, les croyants qui ont la foi dans leur cœur et qui ont appliqué les œuvres, les bonnes œuvres avec leur corps, et qui ont persévéré dans l'établissement de la salat avec tous ces piliers, avec toutes ces obligations, avec toutes ces choses recommandées, et qui ont donné la zakat à ceux qui la méritent, et qui ont fait preuve de pureté et de sincérité dans leurs adorations envers Allah subhanahu wa ta'ala avec crainte, c'est-à-dire avec crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et respect. مناسبة الآية للباب أن فيها وجوب إخلاص الخشية أي الخوف والهيبة التي هي أساس العبادة لله وحده. Donc le cheikh il dit ensuite, l'occasion de la mention de ce verset dans ce chapitre, c'est parce qu'il y a dans ce verset l'obligation de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, qui est en fait la crainte, la peur et le respect, qui sont la base, ou qui sont parmi les bases de l'adoration d'Allah, qui sont parmi, qui est une base dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'adoration d'Allah lui seul. ما يستفاد من الآية؟ Qu'est-ce qu'on peut tirer comme bienfait de ce verset؟ أولا وجوب إخلاص الخشية لله وحده. C'est-à-dire l'obligation de purifier notre crainte pour qu'elle soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا أن الشرك لا ينفع مع عمل مع أن الشرك لا ينفع ينفع لا ينفع معه عمل. Deuxièmement, il y a la preuve dans ce verset que lorsque quelqu'un a commis le shirk, eh bien, aucune de ses œuvres ne sera profitable pour lui, c'est-à-dire ses œuvres sont vaines, comme on l'a lu dans le verset 17. Le point numéro 3, أَنَّ عِمَارَةَ الْمَسَاجِدِ إِنَّمَا تَكُونُ بِالطَّاعَةِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ لَا بِمُجَرَّدِ الْبِنَاءِ. Hein? Le fait de peupler les mosquées, c'est pas uniquement de les construire et de s'occuper de leur bâtiment, de l'entretien des bâtiments ou des choses de ce genre, mais de peupler les mosquées, de s'occuper des mosquées, de les construire, c'est dans le sens de d'établir dans ces mosquées là l'adoration et les bonnes œuvres, hein. Et le point numéro 3, le point numéro 4, al-hasu ala imarat al-masajid hissiyan wa ma'nawiyan. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne donc de construire et de peupler les mosquées de façon concrète et de façon abstraite également, de façon symbolique. C'est-à-dire de les peupler, de les bâtir, de les entretenir physiquement et concrètement, et également symboliquement ou bien de façon abstraite, dans le sens de les peupler et de les construire de façon spirituelle avec les œuvres, les bonnes œuvres qu'on fait dedans. Donc c'est ça la signification. Donc c'est pas juste de construire des mosquées avec des belles, des beaux murs, des belles apparences, sans qu'elles soient remplies de tawhid et de sunna, et qu'elles soient des références, dans le fait qu'on les fait vivre par la science et par l'application de l'islam et par la da'wa. Ensuite, il y a une athar qui est mentionnée, et cette athar, elle n'est pas authentique. Elle a été même attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, c'est pas authentique. Elle a été déclarée maudou' même par Cheikh Al-Albani dans son livre Silsilat al-Ahadith al-Da'ifa. Donc celui qui veut regarder dans Silsilat al-Ahadith al-Da'ifa, le hadith 1482. Donc il est daïf, mais il est mentionné même par Cheikh Al-Albani comme étant maudou', c'est-à-dire fabriqué. Donc qu'est-ce que ça dit? Parce que là, ça dit quoi? Ça dit an Abi Sa'id radiyallahu anhu marfou'an. Donc la signification, elle est vraie, c'est juste que c'est pas attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن أن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهيه كاره. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Abu Sa'id radiallahu anhu, il dit, et ça c'est attribué dans cette narration au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est marfou', c'est marfou', sauf qu'on a expliqué que marfou', ça ne veut pas dire que c'est authentique, ça veut juste dire qu'on l'a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, dans cette narration-là, c'est da'if, même que Cheikh Al-Albani l'a déclaré, mawdou', fabriqué. Hein, inventé. Donc, il n'est pas authentique. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que parmi les choses qui font partie de la faiblesse de la conviction d'une personne, c'est qu'il essaie de faire plaisir aux hommes dans ce qui attire la colère d'Allah. Et de les glorifier pour, ou de leur faire des louanges pour le risque que Allah subhanahu wa ta'ala te donne. Ou bien de les blâmer lorsque pour ce que Allah ne t'a pas donné, de les blâmer pour ce que Allah ne t'a pas donné. Et le risque d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sera pas il sera pas amené vers toi à cause de ton désir ardent de l'obtenir, et il ne sera pas retardé ou éloigné de toi à cause de la haine de celui ou à cause du fait que ça déplaît à celui qui te déteste. Donc il y a rien qui dans une autre façon de le dire, plus simple, c'est que le risque d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que tu te dépêches et tu as un grand désir de l'obtenir, c'est pas ça qui va faire en sorte qu'il va venir plus vers toi. Et le fait de que quelqu'un essaie de d'empêcher le fait de que ce risque te parvienne, c'est pas ça qui va le repousser non plus, puisque tout ce qui t'a été écrit comme risque, ça doit te parvenir, peu importe que ça plaise ou que ça plaise pas, que quelqu'un essaie de l'empêcher ou de le précipiter. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détermine le risque. Bon, maintenant le Cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit ضعفوا أو ضعف يعني ضعف بضم الضاد وفتحها وضد القوة والصحة. Donc ضعف ça veut dire la faiblesse. اليقين ضد الشك وهو كمال الإيمان. Donc اليقين c'est la certitude, c'est le contraire du doute. Et ça fait partie de la perfection de la foi. C'est-à-dire d'avoir la conviction. Et donc, parmi les choses qui font partie de la faiblesse de la conviction, il y a le fait de vouloir satisfaire les hommes dans ce qui attire la colère d'Allah. Un tu'sir. Un tu'siru ridahum ala ridallah. Tu préfères satisfaire les hommes que de satisfaire Allah. Et ça, c'est mauvais. وأن تمدحهم أي تشكرهم وتثني عليهم على رزق الله أي ما وصف من ما وصل منه إليك على أيديهم بأن تضيفه إليهم وتنسى المنعم المتفضل. C'est-à-dire tu leur fais des louanges et tu les remercies, tu leur fais des éloges pour le risque que Allah t'a donné, c'est-à-dire ce qui t'est parvenu à cause de leurs mains, c'est-à-dire ce qui t'est parvenu, que c'est eux qui t'ont donné avec leurs mains, tu l'attribues à eux et tu oublies celui qui t'a donné cette grâce, qui t'a fait cette grâce, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَن تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهِ أي إذا طلبتهم شيئا فمنعوك ذممتهم على ذلك. C'est-à-dire que tu les blâmes pour ce que Allah ne t'a pas donné. C'est-à-dire, lorsque tu leur as demandé quelque chose puis ils ont refusé de te le donner, tu les blâmes pour ça. Donc sache, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, sache que si les hommes te donnent quelque chose, alors sache que ça vient d'Allah. Et si les hommes refusent de te donner quelque chose, alors sache que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si les hommes te donnent quelque chose, tu peux les remercier, mais n'oublie pas de remercier Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Et si les hommes refusent de te donner quelque chose, alors ne te fâche pas contre eux, hein, et sache que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas voulu que tu aies cette chose. Ensuite, il dit والمعنى الإجمالي للحديث يبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من قوة الثقة بالله والتوكل عليه واعتقاد أن كل شيء بتدبيره ومشيئته ومن ذلك الأسباب إذا شاء الله رتب عليها نتائجها فأدت المطلوب بها فأدت المطلوب بها وإن شاء منعها من أداء نتائجها وكل ذلك راجع إلى الله فهو المحمود على السراء والضراء والشدة والرخاء وهذا هو كمال اليقين وأما من تعلق قلبه بالناس ومال مع الأسباب فإن نال شيئا من الخير على أيدي الناس مدحهم وإن لم ينل مراده ذمهم ولامهم فهذا قد ضعف يقينه واختل توكله على الله ثم ختم صلى الله عليه وسلم الحديث بما يؤكد ويوضح ما قرره في أوله بأن العطاء والمنع يجريان بأمر الله وحسب حكمته ولا يرجعان ولا يرجعان إلى حرص العبد أو كراهته. Donc le cheikh il explique que le sens général de ce hadith, c'est pour expliquer que le croyant il doit avoir une confiance forte en Allah subhanahu wa ta'ala, et il doit mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et il doit avoir la conviction que toute chose est gérée par Allah subhanahu wa ta'ala et selon sa volonté. Et parmi ça, parmi ces choses, il y a les causes. C'est-à-dire les causes de ce que, de ce qui nous arrive. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a établi. Hein, sur lesquelles il a établi le résultat des choses qu'on veut. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu quelque chose, qu'il a établi des causes pour que cette chose-là arrive et qu'elles ont et que tu as obtenu ce que tu voulais, ou bien que si il a voulu faire en sorte que tu n'obtiennes pas ces choses-là et que yani, à travers ces causes il y a eu l'empêchement d'arriver au résultat que tu voulais, sache que tout ça, ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est lui que tu dois remercier et glorifier pour le bien et pour le mal, pour les difficultés et pour l'aisance. Et ça, c'est la perfection, hein, le niveau le plus parfait de certitude et de conviction. Tandis que la personne qui accroche son cœur aux hommes et qui penche vers les causes, lorsque quelque chose de bien lui arrive de la part des hommes, il les glorifie, il oublie Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsque quelque chose il ne l'obtient pas, il les blâme et il les critique, et ça c'est à cause de la faiblesse de sa conviction et de sa certitude, et ça vient en fait mettre une défaillance et un manquement dans sa confiance qu'il a en Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite, le hadith est terminé ou conclu par une confirmation qui vient clarifier ce qui est expliqué au tout début, c'est-à-dire que ce que tu reçois ou ce que tu ne reçois pas, eh bien tout ça, c'est par le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et selon sa sagesse. Et ça ne revient pas à l'effort ou au désir de l'homme, et ça ne revient pas non plus à ce que l'homme refuse ou déteste. Mais c'est tout ça, ça revient à la sagesse d'Allah et à l'ordre d'Allah. مناسبة الحديث للباب أن فيه وجوب تعلق القلب بالله في جلب النفع ودفع الضر وخوفه وخشيته وحده وعدم الالتفات إلى الخلق بمدح أو ذم على ما حصل من الإعطاء والمنع. Donc dans ce hadith là il y a qu'est-ce qu'il y a, il y a la mention du fait qu'il est obligatoire d'accrocher notre foi, il y a d'être accroché à Allah subhanahu wa ta'ala dans notre cœur, dans le fait de chercher à obtenir un bienfait et de repousser le mal, et on doit le craindre, et on doit le craindre lui seul, et ne pas se tourner vers les créatures pour les glorifier ou bien pour les blâmer et les critiquer lorsque on reçoit ou lorsque on nous refuse quelque chose. Et donc ça c'est important, et il y a un point là-dedans, c'est au tout début on voit la parole qui mentionne qu'on ne doit pas essayer de faire plaisir aux hommes dans ce qui amène la colère d'Allah. Et on va voir ça par la suite dans l'autre parole qui est mentionnée tout de suite après. Il dit وَمُنَسَبَةُ الْحَدِيثِ لِلْبَابَ أَنَّ فِيهِ وُجُوبَ تَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِاللَّهِ. Donc, c'est ça. Ensuite, il dit وَمَنْ يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme bienfait dans ce hadith? C'est, premièrement, وَجُوبُ التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ وَخَشْيَتِهِ وَطَلَبِ الرِّسْقِ مِنْهُ. Première chose, c'est l'obligation de faire preuve de confiance, de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de le craindre et de chercher notre risque de lui. On doit chercher notre risque d'Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Et deuxièmement, ثانياً إثبات القضاء والقدر. Deuxièmement, c'est d'affirmer le décret d'Allah ainsi que sa prédestination. Donc tout ce qui va nous arriver, tout ce qu'on va obtenir comme risque, tout ce qu'on ne va pas obtenir comme risque, ça c'est uniquement parce que, selon ce que Allah a prédestiné pour nous. Troisièmement, عدم الاعتماد على الأسباب. Donc troisièmement, il ne faut pas dépendre uniquement des causes. Il ne faut pas se reposer sur les causes. Il faut se reposer en Allah, sur Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que il faut mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et non pas sur les causes. Quatrièmement, تقديم رضا الله على رضا المخلوق. Quatrièmement, de donner précédence à ce qui amène l'agrément d'Allah par rapport à ce qui, ou au-dessus de ce qui donne, amène l'agrément des hommes. Donc, il faut chercher à satisfaire Allah et non pas à satisfaire les créatures. Si on met la satisfaction des hommes devant la satisfaction d'Allah, eh bien ça c'est contraire à la réalité de la foi. Donc il faut chercher à mettre la satisfaction d'Allah toujours devant la satisfaction des créatures. Et le dernier point qui est mentionné dans cette asar, qui est rapporté selon Aïcha radiallahu anha, à ce sujet-là, qu'est-ce qui est correct de dire, c'est que elle est authentique comme étant une parole de sahabi, ou bien une parole, ici dans ce cas-là, c'est une parole qui est attribuée à un sahabi, et en tant que hadith, elle n'est pas authentique. En tant que hadith, elle n'est pas authentique. Donc, qu'est-ce qui est correct? C'est que c'est mawquf. C'est mawquf. Et que c'est une parole de Aïcha radiallahu anha. Donc, ça c'est qu'est-ce qui est correct. Toutefois, en tant que hadith, il n'est pas authentique. Et celui qui veut voir ça, l'authentification de la parole de Aïcha, il peut retourner à Silsilat al-Hadith al-Sahiha de Sheikh al-Albani, le volume 5, le hadith numéro 2311. Mais c'est une parole qui est vrai, qui a une signification vraie. Qu'est-ce que ça dit? وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه. Donc, qu'est-ce que ça signifie cette parole de Aïcha, radiallahu anha, qui ici est attribuée au prophète, mais on sait que attribué au prophète, il n'est pas authentique. Donc ça dit, celui qui recherche l'agrément d'Allah, et que en recherchant son agrément, il met en colère les hommes à cause de ça, alors Allah va être satisfait de lui, et il va faire en sorte que les hommes soient satisfaits de lui. Toutefois, celui qui recherche l'agrément des hommes dans ce qui amène la colère d'Allah, eh bien, il aura la colère d'Allah contre lui et il va faire que les hommes soient en colère contre lui par la suite et que les hommes le détestent. Donc, ça, c'est une parole d'Aïcha radiallahu anha et c'est rapporté par Ibn Hibban dans Mawarid al-Dham'an et dans le sunan de At-Tirmidhi aussi et dans d'autres également. Donc le mot que le cheikh a expliqué ici c'est iltamasa. Iltamasa ça veut dire talaba, hein, il a cherché. Donc, celui qui recherche à faire plaisir aux hommes dans ce qui celui qui essaie de qui recherche ou qui essaie d'obtenir la satisfaction d'Allah et que ça met les hommes en colère contre lui, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va être satisfait de lui, et il va faire que les hommes soient satisfaits de lui par la suite. Le cheikh explique le sens général. Il dit, المعنى الإجمالي للحديث يبين صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يحصل به رضا الله ورضا الناس والطريق الذي يحصل به سخط الله وسخط الناس وذلك أن الناس لقصور معرفتهم بالعواقب وغلبت المؤثرات عليهم فتتعارض رغبتهم مع ما شرعه الله مما فيه صلاحهم عاجلا وآجلا. Ça, ça c'est un point intéressant que le cheikh il explique. Il dit que la signification générale du hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique la voie par laquelle on peut arriver à obtenir la satisfaction d'Allah et la satisfaction des hommes. Et la voie par laquelle on peut obtenir également la colère d'Allah et la colère des hommes. Et ça, c'est parce que souvent les hommes ont une connaissance très très limitée des conséquences des choses. Hein? Et comment les effets peuvent avoir le dessus sur eux. Et parfois, les choses qu'ils peuvent désirer peuvent être en opposition avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, hein, par rapport à aux choses dans lesquelles il peut y avoir un bien pour eux, soit dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Donc c'est pour ça. Et le cheikh il dit وَهُنَا يَتَمَيَّزُ مَوْقِفُ الْمُؤْمِنُ الصَّحِيحَ الْإِيمَانِ مِنْ مَوْقِفِ مُزَعْزَعِ الْإِيمَانِ. Hein? Et c'est ainsi que ici on va voir la distinction. On va pouvoir distinguer entre la position du vrai croyant qui a une foi qui est correcte de la position de celui qui a une foi qui est instable et qui est ébranlée. والمؤمن يؤثر رضا الله على رضا الناس. Le vrai croyant, il donne précédence à la satisfaction d'Allah. Il cherche à satisfaire Allah. Il donne à la satisfaction d'Allah précédence sur la satisfaction des hommes. فيستمر مع شرع الله ولا تأخذه في الله لومة لائم. Donc il reste dans qu'est-ce que Allah a légiféré et il ne se laisse pas affecter par le blâme de quiconque dans l'obéissance d'Allah. فيتولاه الله بنصره. À cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne son support et sa défense et sa victoire. لأنه قد اتقى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Et celui qui craint Allah, donc Allah lui donne sa victoire et le défend. Pourquoi? Parce qu'il a craint Allah, et celui qui craint Allah, Allah lui donne une issue, hein, comme dans le verset 2, dans Surat At-Talaq. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Il y a un point qui me vient justement quand je lis cette parole, c'est que parfois, les hommes, comme le cheikh il dit ici, les hommes, ils ont une vision très courte, et ils ne voient pas les conséquences à long terme. Donc, ils vont par exemple s'imaginer que s'ils cherchent l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont avoir en retour la colère des hommes. Comme j'expliquais par rapport à ce que je mentionnais plus tôt, du fait que certains, parfois, ils ont peur, hein, dans la da'wa, ou ils ont peur de dire la vérité ou de clarifier les choses lorsque c'est nécessaire de le faire. Hein, ils préfèrent la facilité, par exemple. Eh bien, yani, parfois, tu vois que tu vas expliquer quelque chose de la vérité et que ça peut mettre en colère certaines personnes, que ça peut fâcher certaines parmi les créatures. Et toi donc, par crainte de ça, par peur de ça, par crainte ou par peur de la colère des hommes, tu vas essayer de leur faire plaisir, de les satisfaire et de leur dire ce qu'ils veulent entendre pour leur faire plaisir, pour qu'ils t'aiment. Eh bien, on voit que la conséquence de ça, c'est que non seulement les hommes vont te détester par la suite, ils vont te mépriser, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui est plus grave encore, c'est Allah qui va te détester et qui va être en colère contre toi. Et c'est ça qu'on observe. Et même les koufars, yani, lorsqu'ils voient un musulman, par exemple, qui commence à tourner à gauche et à droite, quand on lui pose des questions sur la religion, sur l'islam, il commence à philosopher, à tourner en rond, et il ne prend pas une position, puis il n'assume pas sa foi et sa religion, même les koufars le méprisent. Même les koufars, ils le méprisent. Parce qu'ils disent, cet homme-là, il se dit musulman, il n'est même pas fier, il n'assume même pas sa conviction et sa croyance. Donc il le méprise. Hein? Tandis que, quand le musulman est ferme, et qu'il prend une position, et qu'il défend le haq, eh bien on voit que, on voit la conséquence, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Et Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de lui. Et ensuite, même les koufars, parfois, on voit que par la suite, ils le respectent. Et ils ont du respect pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est intègre. Et que c'est une personne qui se respecte et qui respecte ses principes et qui est, comme on dit, il y a le terme qu'on emploie pour ça, c'est que c'est quelqu'un qui est, il y a un mot là qui m'échappe en ce moment, mais c'est pour désigner ou bien pour dire que c'est quelqu'un qui est conséquent ou bien quelqu'un qui est cohérent, quelqu'un qui est cohérent dans ses principes. Il va pas dire quelque chose puis après il se contredit. Il ne va pas défendre quelque chose puis son contraire. Non, il reste cohérent dans ses principes et il est ferme et intègre et il défend ses principes et ses idées. Et il dit la vérité parce que c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, ça c'est juste un petit point que je voulais dire à ce sujet-là, que celui qui est ferme sur la religion d'Allah et qui dit le haq, qui clarifie la vérité de la religion d'Allah et qui demande l'aide d'Allah, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner une issue et va le protéger. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, comme j'écoutais le dars justement du Cheikh Al-Fawzan plus tôt aujourd'hui, de l'explication de Iqtida Sirat al-Mustaqim, et il disait donc, il mentionnait les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit fasayakfikahumullah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va te suffire, yani, d'eux, et il va te protéger contre eux, et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas faire preuve de faiblesse et avoir peur dans la transmission du message et de la religion d'Allah. Au contraire, il faut demander l'aide d'Allah et son support, et faire preuve de courage et de force et de patience. Ensuite, le cheikh, il dit, وَمُزَعْزِعُ الْإِيمَانِ مُزَعْزَعُ الْإِيمَانِ يُؤَثِّرُ رِضَ النَّاسِ عَلَى رِضَ اللَّهِ. فيحقق لهم فيحقق لهم مطلوبهم وإن كان مخالفا لما شرعه الله وهذا في الحقيقة قد خاف الناس ولم يخف ولم يخشى الله أو ولم يخف الله وسينعكس عليه مراده فينقلب حامده في الناس ذاما ولن يغن عنه من الله شيئا فضر نفسه وضر من أراد نفعه بمعصية الله. Donc le cheikh il dit donc la personne qui a une instabilité dans sa foi et qui est secouée dans sa foi, il préfère la satisfaction des hommes à la satisfaction d'Allah. Hein? Et donc il fait tout pour satisfaire les gens dans ce qu'ils veulent. Il leur dit ce qu'ils veulent entendre, même s'il va contredire la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça en réalité c'est quelqu'un qui a craint les hommes et qui n'a pas craint Allah. Et le résultat et la conséquence de ça, c'est que ça va se retourner contre lui. Et c'est le contraire de ce qu'il voulait qui va se produire. Hein? Et donc, les personnes parmi les gens qui le glorifiaient, donc, ils vont se mettre à le blâmer, à le critiquer. Et ils ne vont rien pouvoir lui donner ou ils ne vont rien lui profiter contre Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne pourront pas rien faire contre lui, contre Allah. Donc, il se fait du tort à lui-même, hein, et il fait du tort à celui à qui il a voulu faire du bien en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il fait du tort à ceux à qui il pensait faire du bien. Donc, ça, c'est très important, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ces situations-là, qui sont des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous donner la fermeté. De nous donner la force et le courage d'être ferme dans nos positions et de toujours rester ferme dans toutes les circonstances et de dire la vérité. Ensuite, il dit comme point numéro, c'est pas un point numéro quelconque, mais c'est la suite. مناسبات الحديث للباب أن فيه وجوب خشية الله وتقديم رضاه على رضا المخلوق. L'occasion de la mention de ce hadith dans ce chapitre, c'est qu'il y a dedans l'obligation de craindre Allah et de donner précédence à l'agrément d'Allah sur l'agrément des créatures. وما يستفاد من الحديث أولا وجوب خشية الله وتقديم رضاه على رضا خلقه. L'obligation, premièrement, c'est le premier point, l'obligation de craindre Allah et de donner précédence à sa satisfaction sur la satisfaction des créatures. ثانيا بيان عقوبة من آثر رضا الناس على رضا الله. L'explication, deuxièmement, l'explication du châtiment qui atteint la personne qui préfère ou qui donne précédence à l'agrément des hommes sur l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثالثا وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه. Troisièmement, l'obligation de mettre notre confiance en Allah et de reposer notre confiance en lui seul. رابعا بيان ما في تقديم رضا الله من العواقب الحميدة وما في تقديم رضا الناس على رضا الله من العواقب السيئة. Donc point numéro 4, il y a la clarification des conséquences positives et des conséquences et des situations qui sont louables et glorifiées lorsque la personne donne précédence à l'agrément d'Allah et il le met devant l'agrément des hommes et les conséquences négatives et mauvaises du fait de mettre l'agrément des hommes devant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est expliqué dans ce hadith. Le point numéro 5, anna qulub al-ibad بيد الله سبحانه. Donc le point numéro 5, c'est que les cœurs des serviteurs sont entre la main d'Allah, sont dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que les cœurs des hommes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les contrôle et c'est entre sa main. Hein? Donc ça c'est l'explication de ce chapitre qu'on vient de conclure aujourd'hui. C'est-à-dire, on vient de conclure le chapitre numéro 32